Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Korigane vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie culturelle à la Korigane. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner jusqu'à 19h30. Venez nous rejoindre donc au 380 rue Dorchester. Ça commence à bien se remplir ici à la Korigane dans le quartier Saint-Roch. Je vous rappelle, pendant ces 2 heures, on reçoit des artistes d'ici, des artistes de passage à Québec aussi, comme ça a été le cas lors de la première la semaine passée. Et on a aussi un concours qui commence cette semaine. Alors au menu aujourd'hui, on parlera du festival de cinéma de la ville de Québec avec son programmateur Olivier Bilodeau. On recevra aussi pour l'occasion le réalisateur Edgar Fritz, que vous avez connu notamment pour le film Limoilou. Cette fois, il présentera Indépendant, un film dédié aux artistes aussi. La Korigane présentera sa chronique bière à compter de 19h. Ce soir, on commence avec une bière d'ici, une bière au menu qu'on va découvrir plus amplement. Mais dans l'idée, dans les prochaines chroniques, on veut aussi connaître les microbrasseries québécoises. Alors la Korigane choisira parmi ses coups de cœur de microbrasserie et nous présentera une bière québécoise. Le concours, comme je vous l'ai dit, Talent en scène, qui va vraiment durer toute la saison jusqu'en avril 2019. Plein de beaux prix à gagner, parmi eux une campagne publicitaire de 1 000 $ sur les ondes de CKRL, un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane. Et ce soir, nous accueillons notre premier candidat, Jinx 314, un rappeur d'ici qui va nous présenter plusieurs de ses pièces. Je l'interviewerai aussi pendant quelques minutes pour mieux le connaître, et je vous présenterai aussi le jury qui va faire l'aventure avec nous jusqu'à la fin octobre, parce qu'il y a 4 vagues dans ce concours. Également à l'honneur aujourd'hui, l'événement Saint-Roch Expérience qui se déploie sur 2 jours dans le quartier Saint-Roch dès ce vendredi 14 septembre, la rue Saint-Joseph, qui sera devenue en partie piétonne, avec des restaurateurs dans la rue qui vont vous faire goûter des bouchées à moindre prix, qui vont cuisiner dans la rue. Et le 15 septembre, plusieurs groupes et artistes de Québec et d'ailleurs vont jouer dans des lieux insolites. Pour en parler, on aura Arnaud Cordier, le coprogrammateur de Saint-Roch Expérience, mais aussi le groupe Flows. Mais pour commencer, un groupe qui va vraiment sortir de sa zone de confort, parce qu'ils ont plutôt l'habitude de jouer tard dans des festivals et de faire lever la foule vraiment jusqu'à tard, jusqu'aux petites heures du matin, faut bien le dire. Irish Moutarde en version duo est avec nous aujourd'hui. Bonjour Irish Moutarde. Bonjour. Vous êtes 6 habituellement, on sait que c'est une formule réduite là. Oui, mais on a Anthony, puis il compense pour le poids de d'autres personnes. On a au moins la moitié du poids. On a la moitié du poids. Alors pour vous préciser qui est autour de la table, Andréane Mekalay qui chante dans le groupe, qui joue de l'accordéon et du piano, et Tony qui est au banjo, à la guitare, et aussi quelques chœurs quand l'envie lui prend. Exactement. Plusieurs chœurs même. Oui, il y a quelques chansons que ça... j'entreprends même moi-même. Oui, oui. Oui, mais, oui. Mais pas ce soir. Non. Pas ce soir. Non, malheureusement. Et vous me disiez ce soir, pour tous les gens qui sont à la Korigane, parce que vous allez jouer dans quelques minutes, on va vous entendre en formule réduite, en formule duo. C'est une première mondiale, là. Vous n'avez jamais joué dans de telles conditions. En fait, même pendant expérience qu'on va faire ce samedi. Je parle en particulier de la prestation qu'on va faire à la suite Tattoo à 18h30. Ça va être vraiment, c'est là que ça va être la première mondiale, un set complet acoustique. À Richemoutarde, on n'a jamais fait ça. Comme Tony disait tantôt, c'est une première mondiale. Exactement. Puis là, ce soir, on a eu l'invitation de venir ici, puis on s'est dit quelle meilleure occasion qu'on pouvait avoir pour tester ça, là, pour la première fois. Regarde, on a jamais joué ça devant personne, puis là, c'est ce soir à CKRL que ça se passe, puis c'est merveilleux. Comme tu disais, ça sera peut-être la dernière mondiale aussi. Ben écoutez, nous, on aime les expérimentations, donc à deux plutôt qu'à six en version acoustique, parce que, comme je le disais, ça lève avec vous, et c'est assez incroyable quand on voit vos instruments de base. Andréane, je sais pas qu'est-ce que tu as appris à jouer comme instrument en premier, si c'était l'accordéon, le piano, si tu as commencé à chanter, mais est-ce que t'imaginais faire de l'accordéon punk finalement? En fait, Mais ça, j'ai commencé au piano, également à la petite chorale de l'école primaire. Je pensais pas faire du rock'n'roll avec un accordéon dans les mains un jour, pour être honnête. Comment c'est venu? Est-ce que c'est vraiment la rencontre avec les cinq autres membres du groupe qui fait qu'on s'est dit OK, on va faire quelque chose qui sort complètement des sentiers battus? Exact. En fait, le projet avait commencé pour le retour du défilé de la Saint-Patrick en 2009. Enfin, pour l'édition 2010. Puis au départ, on était supposé d'être seulement le groupe d'une seule occasion pour faire un hommage aux punks celtiques, comme les Dropkick Murphys, les Flogging Molly, dans le fond, dans le genre. Et la demande a été forte, donc on a continué à faire des spectacles. Et au fur et à mesure, on a intégré des compositions pour ensuite en venir à un premier album en septembre 2013. Mon Dieu, ça fait 5 ans depuis le premier album, j'ai le catché ça. Aïe, aïe. Ça va vite. Mais en fin de semaine, en fait, ça va faire 5 ans, c'est fou. Et justement, au printemps dernier, on a sorti notre deuxième opus, Perdition. Donc, oui, tout ça a été un cheminement assez surprenant, mais à la fois, ça s'est fait naturellement. Ce qui explique pourquoi Irish Moutarde peut autant être de la programmation de la fête de la Saint-Patrick ou du festival celtique. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais vous faites aussi partie, j'imagine, de festivals beaucoup plus rock, beaucoup plus punk aussi. Donc, vous devez passer d'ambiance à d'autres complètement différentes avec votre projet. En fait, tout ce qui s'appelle du monde qui veut bouger, du monde qui veut fêter... on est au rendez-vous et on répond à l'appel. Exactement, c'est tout ce qu'on a voulu faire, c'est voir Irish Moutarde, c'est pas juste un spectacle, c'est un party, puis c'est ce qu'on vend, peu importe le public qu'on a, c'est d'avoir du fun, puis que le monde ait du fun, puis ça va toujours rester ce qu'on veut faire avec le groupe. Et le kilt s'est imposé très rapidement aussi dans le costume du groupe. Ben en fait, ça venait avec Gabichou. Il est arrivé avec le kilt et on l'a accepté. Vous l'avez tous adopté ou pas? Oh, ben oui, il est cute comme ça avec son petit kilt. Gabichou, oui. Le kilt, non. Non, c'est ça, c'était non. Le kilt dont je parlais. Non, oui. Bon. Le Gabichou, on l'accepte, mais le kilt, c'est le seul qui le porte en spectacle. Oui, les autres, n'en pensent pas. Andréane, je t'ai déjà vu avec. J'avais un petit kilt cute de fille, là, mais... C'est pas systématique. Là. Non, on dirait que je préfère mettre des shorts. Tu sais, je me bouge les jambes pas mal. Là, tu sautes partout. Mais gérer ça, là, je suis quand même pudique, là, on peut se dire. Alors, parlons-en de Saint-Roch Expérience. Quand on parlait d'expérience, là, ça porte bien son nom. Vous allez jouer à l'Hôtel Pur pour commencer ce samedi 15 septembre à 15h30. Quand on imagine de la musique d'hôtel... Je suis désolée, mais on n'imagine pas forcément la vôtre. Non, ça sera vraiment pas ça non plus. Donc, on est loin des couleurs jazz, feutré, voilà, pour prendre le café ou le cocktail. Non, ça va brasser quand même un peu. Non, on risque de brasser l'heure du thé un peu. Nous, on se dépayse, mais les gens qui vont être à l'hôtel vont être aussi dépaysés, c'est assuré. On fait, pour l'Hôtel Pur, on a décidé de faire un retour aux sources en 2010. On fait, comme quand Irish Moutarde était un groupe hommage, on fait que un spectacle covers. Hommage. Que des covers. À 3h30 à l'Hôtel Pur, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Ouais, je peux imaginer. Puis ensuite, pour celui à la suite Tattoo Club, comme je disais tantôt, ça va être une formule 100% acoustique, première mondiale. On souligne. Et finalement, au district, à 21h, ça va être un 100% Irish Moutarde, donc à nos goûts, nos meilleures chansons du premier et du deuxième album. Et vous avez déjà joué au district Saint-Joseph dans la dernière année? Ben oui, même le lancement, c'était à l'occasion justement de notre événement cousin, on pourrait dire à Sarah d'expérience, c'était avec le festival d'été pour les apérofèques qu'on avait profiter de l'occasion pour lancer notre album. Donc vous seriez plus qu'à l'aise. En fait, c'est vraiment la conclusion de votre journée, 21h, District Saint-Joseph, ce samedi 15 septembre, pour voir Irish Moutarde. Alors, vous avez mis l'eau à la bouche. On a absolument envie d'entendre ce que ça donne, Irish Moutarde, en audio. Je vous propose d'aller vous installer maintenant pour prendre vos instruments. Et puis moi, je vais... Allez-y. Et je vous rappelle, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, vous êtes dans le quartier Saint-Roch, vous n'êtes pas loin. Venez à la Korrigan, vous avez vraiment un accès privilégié aux artistes. Vous allez pouvoir les voir de près, les écouter, participer aussi. Et en plus, Irish Moutarde fera tirer en fin d'émission deux albums Perdition qui sont sortis tout juste cette année. On en parlera après la prestation. D'ailleurs, pour commencer, ils vont nous interpréter une chanson de l'album de 2013, d'ailleurs, hein ? Non ? Perdition en premier, d'accord. Alors, je vous laisse me présenter cette chanson, peut-être. Oui, c'est une chanson sur l'album Perdition qui s'appelle The Bitter End. Vous allez, contrairement à sur l'album qui est très orchestral, avec un petit clin d'œil au canon de Pachelbel, cette fois-ci, pour les besoins de la cause étant effectif réduit, on s'en fait une petite version réduite et très très acoustique. Quebec City to Kalamazoo, the devil himself couldn't keep me from you. But it's been so long since I've seen your face, your touch and your love and your sweet embrace. I'm so lost without you, you haven't a clue. Meeting between us is long overdue. We travel the planet, no distance too great. We'll last spend together, your Jesus of faith. We take on the world together, my friend. With you by my side, in the bitter end. Should the old devil take you before me? We see him in hell and drink his whiskey. Fight with the army to see you again. I charge in headfirst into the lion's den. I die in the waters and face it with eels. I embark in any Atlantis or deals. We take on the world together, my friend. With you by my side, you're the bitter end. Should the old devil take you before me? We see him in hell and drink his whiskey. My journey has taken a toll upon me, but now that I found you, I can't rest easy. My body is broken, my energy too. They all go out softly because I'm with you. We tag on the world together, my friend. You were by my side till the bitter end, but the devil is calling and waiting for me. You see him in hell with your favorite whiskey. Merci! C'était-tu pas si pire? C'était très bien. Ah! Mais justement, pour la prochaine chanson, on va se transporter au premier album, Raise 'Em All, avec la chanson D.O.E., en version, encore une fois, première acoustique mondiale, qui ressemble à la première acoustique mondiale full band qu'on va faire samedi. By the ball looking at me with deep blue eyes. Oh, what a faker, could I turn him down? My mind's not clear, already drank a batch of pines. Oh, what a hell, I'm out of town. He's waiting for me to buy him a drink. Still got some money, but should I go through? When it looks like we are in sync, there might be chemistry. Should I stay? And if I say no tomorrow, temptation on not only my heart to know. Les applaudir, parce que j'ai l'impression que c'était tout un test pour eux ce soir. Ils ont brisé la glace ici à la Korigane et à CKRL 89. On vient d'entendre Irish Moutarde version duo. Imaginez, ils sont 6 habituellement. Revenez avec moi, Irish Moutarde. Et c'est d'ailleurs le groupe au complet que vous pourrez découvrir lors de Saint-Roch Experience ce samedi 15 septembre. Je rappelle les prestations, 15h30 à l'Hôtel Pur, 18h30 à la Suite Tattoo Club. Hein. C'est bien chez un tatoueur qu'ils vont jouer en formule acoustique. Et 21h en formule beaucoup plus électrique, donc au district Saint-Joseph-il-Trinque pour l'occasion. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ce sont des spectacles gratuits d'ailleurs, donc tout le monde est invité à venir. Et j'ai envie de vous dire, premier arrivé, premier servi, parce que vu le succès de cette formule l'année dernière, dès que le mot se passe, dès qu'on vous a trouvé, ça va très très vite pour aller autour de vous. Moi, je garde toujours ce souvenir de quand je vous ai vu à Irish Moutarde au Festival des Brasseurs et Artisans de Québec, à Limoilou, oui. Exactement. Et j'étais absolument impressionnée de l'engouement, de l'énergie des fans, du public. Avec vous, ça saute partout, dans tous les sens. J'ai peur pour l'Hôtel Pur. Je crois que la décoration est bien rangée. Mais on est allé, c'est sur la terrasse de l'Hôtel Pur qu'on joue. Donc, il y a d'accord. moins de cadres et de décorations. Puis on est allé visiter, c'est vraiment bétonné sur 3 des 4 murs, donc il n'y a vraiment pas de danger pour que... Ouais, ça ne devrait pas craquer tant que ça. Mais les gens vont avoir mal aux épaules. Et chez le tatoueur, vous avez visité aussi, ça doit être plus petit encore, non? Hey, d'ailleurs, il faut que je prenne mon rendez-vous, hein, si je veux me faire tatouer. Pour te faire tatouer? Le jour même? Ben, en chantant. Ah ouais? Vraiment? Bon, je ne sais pas encore. Des fois, j'ai des mauvaises idées, puis des très mauvaises idées. Il faut qu'il soit quand même assez rapide, ce tatouage. Vous jouez quoi, 30 minutes? Exactement, oui, ouais, oui. 30 minutes. Ouais. Mais c'est quand même plus grand qu'on pense à la Suite Tattoo Club. Je pense qu'il peut rentrer une centaine de personnes facilement. Ah, ouais. Ouais, ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Je trouve tellement que ça a l'air confortable. En plus, comment... Ah, il y a plein de divans de cuir. Wow. Donc, chanter, allongé sur le divan, ça te parle, Andréane? Oh oui, oui, oui, très cosy-cosy. J'adore. On le sait maintenant, Irish Moutarde pourra nous proposer plusieurs ambiances. On a eu la preuve tantôt. Parlez-moi un peu de cet album Perdition. Nouvel album d'Irish Moutarde, 13 chansons à découvrir, autant en français qu'en anglais d'ailleurs. Oui, on a même 7 chansons en français versus 6 chansons en anglais. Tout le travail a été fait vraiment, tout le monde ensemble en collaboration. C'est probablement des deux albums, c'est probablement lui qui a contribué, qui a demandé la contribution le plus possible de chacun des membres. Et même c'était le mot d'ordre avant de se lancer dans la production du deuxième album, que chacun amène sa touche, que chacun amène ses idées. Puis c'est exactement ça qu'on retrouve sur Perdition. Exactement, tout le monde a composé soit de la musique, soit des paroles dans tout ça. Puis on s'est mis aucune barrière au niveau de la langue non plus. Ça venait selon l'inspiration. C'était un défi qu'on s'était lancé en disant on va essayer d'aller vers un peu plus vers le français, en se disant si jamais ça sonne pas à notre goût, on perd du charme ou quoi que ce soit, on va revenir en anglais. Mais les chansons qu'on a gardées en français, c'est parce qu'on les aimait en français, puis ils rendaient justice au style qu'on joue. Fait qu'on les a gardés en français sans se mettre de barrières ou de limites. Exactement, parce que c'est ça, dans le processus, il y a des chansons à la base en anglais qui sont devenues en français et vice-versa. Puis ça fait une belle suite qui assume également notre nom, Irish Moutarde, comparativement, mettons, au premier album, qui était pratiquement entièrement en anglais. Donc, puis la réception à l'international a été... plus que surprenante. Non, on détestait ça. Non, c'est là où vous n'êtes pas allé. Non, les critiques de partout sont absolument positif, dithyrambique même. Donc, on est vraiment contents. Puis plusieurs même nous disent que c'est une belle suite au premier album, même un meilleur produit que le premier album. Donc, tant mieux si on s'en va s'améliorer. Mais oui, ça va vous, donc, vous ouvrir les portes de tournées internationales encore une fois? Oui, enfin, on est allé en France cet été faire un concert dans un festival celtique, le Cetitoyac, qui nous avait accueillis en 2014. Et encore une fois, ils ont su bien nous accueillir. On est tous revenus avec 12 livres de plus. Là. Ah oui, dans le sens de nourriture là, ou de boisson. Oui. Mais ça fait partie de l'expérience de tournée, on va se le dire comme ça. Mais Andréane, je t'écoutais en prestation et c'est vrai que oui, on retrouve la musique celtique dans Irish Moutarde, mais aussi dans ta voix. Hein? On m'a souvent dit que j'avais une sonorité qui allait bien avec le style. Ouais. Oui, l'alcoolique. Comment? Une sonorité d'alcoolique. C'est pas ça que je voulais dire. Non. Mais dans les variations de voix, la manière d'interpréter les chansons, c'est vrai que ça peut nous rappeler des chants traditionnels celtiques avec ce mélange punk qui est tout à fait étonnant. Oui. Est-ce que tu en écoutes beaucoup de la musique celtique pour continuer à nourrir ta créativité? C'est beaucoup du punk celtique que je vais écouter. J'écoute pas vraiment de la musique traditionnelle, pour être honnête. Puis même, je suis en train de prendre la balle au bon. Récemment, on a fait le palmarès du top 50 des meilleures chansons de tous les temps de Spotify avec la chanson de Cabine qui est sur le premier album. Puis c'est drôle, tu parles d'inspiration, puis je me disais, qui sont vraiment mes références comme chanteuse de punk celtique? Puis de tout le palmarès, sur les 50 chansons, j'étais la seule lead singer féminine. Ah ouais? Ouais. C'est un palmarès qui a eu lieu quand, ça? Ça l'a sorti en... Officiellement, c'est, dans le fond, c'est une playlist que Spotify a faite, ouais. Mais qui réunit dans le punk celtique les 50 meilleures chansons de tous les temps, de punk celtique, à côté des Dropkick Murphy, de Flogging Molly. Puis on a une chanson d'Irish Moutarde du premier album qui s'est retrouvée dans ce palmarès-là. Ouais. Puis en faisant la liste, c'est ça, Andréane se retrouve la seule chanteuse de tout ce palmarès. Il y avait des back vocals féminins, mais comme lead vocal, j'étais la seule fille de tout le palmarès. Quel honneur, n'est-ce pas? Ben, d'un côté, je suis comme, wow, tu sais, I did it. Mais en même temps, je suis comme, tu sais, surtout, mettons, comme à Cetitoyac, tu sais, on a côtoyé des groupes qui avaient d'autres chanteuses principales. Puis, c'est ça, là, faut essayer de continuer à avoir une présence puis faire notre chemin. À se démarquer. J'imagine que ça a donné une belle visibilité à la chanson aussi. Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ça a explosé. Là, en même pas 3 semaines, on a atteint 100 000 écoutes de plus sur cette chanson-là. Puis ce qui a amené des écoutes par effet collatéral sur les autres chansons. Mais les artistes disent que souvent, quand Spotify les choisit pour faire partie d'une playlist, ça fait toute la différence dans la diffusion. Ah oui, on l'a remarqué instantanément avec ça. Là. Ouais. Mais Andréane, Tony, d'Irish Moutarde, merci beaucoup. Merci, cher. De votre passage ici à CKRL. On est vraiment content d'avoir eu cette première mondiale, s'il vous plaît, d'Irish Moutarde en acoustique. Et si vous voulez les voir, je le rappelle, c'est le 15 septembre prochain. Allez les suivre sur Facebook. Ils ont une belle photo de couverture avec tout l'horaire et sinon le site internet qu'on va vous rappeler pendant l'émission plusieurs fois, saintrockxp.com, pour connaître tous les lieux et les artistes qui vont jouer lors de cet événement. Alors, belle route à vous. Merci. On va écouter Terre Rouge à Irish Moutarde. Force à

culturel. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Bienvenue dans Sortie culturelle à la Corrigan, Jessica Leb, toujours avec vous. Mais oui, public, manifestez-vous. Oh, il est tôt, 18h01. Si vous voulez nous rejoindre, 380 rue Dorchester, je vous rappelle, venez assister à l'émission, découvrir les artistes ici en prestation. On a eu la chance de découvrir en première mondiale Irish Moutarde en duo acoustique. C'est juste pour vous, en prélude de cet événement Saint-Roch Expérience qui se déroulera ce vendredi 14 et samedi 15 septembre dans le quartier Saint-Roch, comme vous pouvez vous en douter, sur la rue Saint-Joseph, à la découverte ou la redécouverte des restaurateurs de la rue, du quartier, puisqu'ils sortiront pour cuisiner devant vous, vous proposer des bouchées à moindre coût. Et les artistes, quant à eux, joueront dans des lieux insolites le 15 septembre toute la journée. Pour parler de l'envers du décor quand même, parce que c'est toute une organisation après un certain festival d'été de Québec, 3E, donc a lancé Saint-Roch Expérience quelques mois plus tard seulement, et on en parle avec Arnaud Cordier, programmateur de l'événement. Bonjour Arnaud. Salut. Quand même, 2 mois après le Festival d'été de Québec, proposer un événement d'envergure comme celui-ci, c'est ambitieux? Oui, mais en fait, c'est ce qu'on fait déjà depuis 3 ans, en fait, depuis qu'on s'est un petit peu attaché à l'événement qui était Cuisiner Saint-Roch dans le temps, et ils ont fait ça pendant, je pense, 4 ans. Ensuite, on est venu se joindre un petit peu à ce super événement qui fait vivre un quartier au complet. Et oui, ça donc fait 3 ans, et ça fait 3 ans qu'il faut faire une programmation en même temps que le festival d'été. Tu vois, moi j'ai terminé la programmation, je pense que c'était fin juin, donc à une semaine environ du festival. Et puis après ça, il faut suivre derrière tout ce qui est technique, tout ce qui est horaire, et donc tout le monde est requis à l'interne, bien évidemment. Donc c'est jongler avec des horaires, avec un certain temps qu'on a alloué dans une journée. Et puis en même temps, on n'est pas les seuls à faire ça non plus, que ce soit à Montréal ou à Québec ou même ailleurs. De toute façon, j'ai des amis en Europe qui font plusieurs événements dans une période assez condensée, finalement. C'est ce qu'on fait, et je pense que pour l'instant ça va bien. Ce qui est un peu plus demandant, c'est que chaque année la formule a changé. Et cette fois-ci, on l'a grossi, donc on est le vendredi 14, le samedi 15, avec des groupes, 10 groupes le vendredi, 14 groupes le samedi, en plus évidemment de l'offre donc des artisans locaux, des restaurateurs, donc les bouchers, la bière en plus qui est brassée spécialement pour l'événement. Il y en a deux en plus cette année. Il y en a deux. En fait, il y en a deux. Et même, je te dirais qu'il y en a une cachée. C'est-à-dire que t'as la Saint-Roch, c'est ça. Donc t'as la Saint-Roch qui est faite par la microbrasserie, donc la Barberie. Et puis après ça, t'as la XP qui est faite par le Noctem. Et puis quand tu allies les deux, ça fait la Saint-Roch XP pour les amateurs de sensations différentes, on va dire. Donc c'est ça. C'est vraiment, c'est devenu 2 fois plus gros. Et je pense pour le plaisir des amateurs finalement, et ça va faire vivre de la rue de la Couronne jusqu'à la rue de la Chapelle ce grand carré de sable avec les artisans locaux et les artistes qu'on aime beaucoup. 10 artistes de l'extérieur de la région de Québec pour le vendredi 14 septembre à compter de 16h, et le samedi on se concentre vraiment sur les artistes de Québec. On veut toujours mettre un projecteur sur les artistes de la région de Québec. Pourquoi avoir ouvert la porte aussi à ceux de l'extérieur avec un volet spécialement pour eux, Arnaud? Je t'avouerai que depuis 2 ans on a eu beaucoup de demandes de groupes extérieurs, d'agences de Montréal par exemple entre autres, et d'ailleurs qui nous demandaient, mais j'ai des groupes pour vous. Je dis, écoute, c'est faire fermé. C'est un club select, il faut venir de Québec. Ah oui. Pour une fois qu'on peut se permettre de dire ça. Donc, et puis on a eu quand même beaucoup de demandes et on s'est dit, bon, ben, c'est bien beau Québec, mais en même temps, est-ce qu'on va faire comme Montréal et rester montréalo-centriste? Non. Donc on s'est dit, on va ouvrir les vannes. Et puis les amis de Toronto, de Montréal, ben, venez, si ça vous tente, voici à ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une vibe qu'on veut un peu comme un festival boutique, comme il y en a un peu partout sur la planète, et la première référence, et on est à des années-lumière de ça, c'est South by Southwest, où quand on va là-bas, la ville vibre, le centre-ville et même plus loin que le centre-ville vibre au son de toutes les musiques dans divers lieux complètement parfois dingues, comme ça peut être un autobus, comme ça peut être au fond d'une allée, dans des hangars et puis dans des salles un peu proprement dites, et beaucoup dans des bars aussi. Donc on s'est dit, est-ce que dans une moindre mesure on est capable de faire ce type d'événement, donc faire jouer des groupes lorsque quelqu'un est en train de se faire raser, par exemple au Crown ici sur Saint-Joseph, en train de commander son smoke meat chez Phil Smoke Meat, en train de se faire un tattoo à la suite tattoo, et aussi de l'extérieur avec le parvis de l'église Saint-Roch ou la plage Jacques Cartier, Tour Fresque à côté de Gabriel Roy, et tout ça en même temps en se disant, et si y a aussi on mettait aussi de l'art visuel, le théâtre de l'Abordé va aussi intervenir durant le week-end, l'école des métiers d'art qui est un voisin finalement, et avec une zone familiale aussi, donc le tout encore une fois à souligner, c'est gratuit, c'est de faire un lieu de destination pour les familles, pour l'amateur de bonne bouffe, l'amateur de boissons, et de musique bien évidemment. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura aussi un bar clandestin. Fait que, le fameux speakeasy. Oui, c'est ça exactement. Donc, ça ne sera pas trop difficile à savoir où se trouve, mais en même temps, il va falloir garder les yeux ouverts. Et ça, c'est justement, c'est le côté un peu, tu sais, donner une expérience aux gens, d'où le nom, bien évidemment, mais pas que, il y a un programme, il est fixe, voilà. Il y a des choses qui en dérogent aussi, et ce bar un peu pas illicite, heureusement, vient un petit peu, je pense, donner un supplément de vie à cet événement-là. Mais il y aura de quoi visiter dans le quartier, oui. Saint-Roch. L'Intermarché n'a jamais autant fait rêver pour les artistes, parce qu'ils y joueront autant vendredi que samedi. Vous aviez déjà cette collaboration l'année dernière. Oui. C'est très drôle quand même. Moi, j'avais vu Laurence Castera l'année dernière à l'Intermarché. C'est très restreint, évidemment, parce qu'on est dans une allée entre les charcuteries et le pain. Donc, c'était très intéressant. Et des gens surpris, effectivement, qui venaient faire leur épicerie et qui découvraient Laurence en train de jouer. Cette année, on va découvrir 7 artistes à l'Intermarché. Comment ça s'est passé, quand même, quand vous les avez approchés avec ce concept? Parce que c'est assez inédit. Je t'avouerais que Eric, qui est propriétaire d'Intermarché et d'autres commerces, et qui en plus a, on va dire, les mains très profondément ancrées aussi dans la SDC, la société de développement commercial, il était ouvert à tout, quoi. Je dirais mettre un échafaudage pour monter une scène à quelques mètres de hauteur au-dessus du frigo, là où se trouvent les produits laitiers. Il est tellement, il est game. Il est game, et je pense que c'est un des plus game en fait de tout ça, de tout de tous ces lieux. Et lui voulait que ça se passe pour sa clientèle, pour lui, il trouve ça très très rigolo. Et on n'a pas eu, je t'avouerais que sur ce coup-là, on n'a pas eu à tordre son bras ou ses bras. Parce que ça doit quand même toucher l'achalandage de son épicerie, autant oui, en bien comme en... On s'entend, on ne mettra pas des groupes de 6 musiciens avec du gros rock. Hein. On va quand même contingenter le son, on va le spécifier, on va être beaucoup plus en acoustique, dans des choses un peu plus légères, comme ça aurait pu être Irish Moutarde en duo à l'Intermarché. Ça reste que ce soit de l'électronique ou du folk ou quelque chose comme ça à l'Intermarché, ça va rester quand même assez unique. Au début, les certains artistes n'y croient pas, ils disent ouais, mais bon, moi je fais pas de la musique d'Intermarché ou de supermarché point la ligne. Non, mais vois ça autrement en fait, de l'autre côté du spectre. Pense aux gens qui vont rentrer, on fait de la musique. ce sera pas de la radio commerciale qui va jouer à tue-tête ou quoi que ce soit, ça va être toi qui vas jouer en fait. Mm-hmm. Donc, et les artistes aussi, je te remercie aussi beaucoup les artistes, les 24 groupes en question, les agents qui vont avec eux et les musiciens de jouer le jeu, de courir parfois un petit peu à gauche, à droite pour faire 3 prestations de 30 minutes dans 3 lieux différents. Ça, c'est le cahier des charges pour chaque groupe. Chaque groupe a accepté. Ils ont dit oui, ok, on y va. Il y a des gens qui viennent de Toronto pour ça. Les gens de Montréal. Langston Francis, par exemple, qui ouvrira le bal ce vendredi 14 septembre, qui était au Festival d'été de Québec. Ouais. Puis là, vous le sortez complètement des sentiers battus. Exactement. Mais c'est quelqu'un qui a fait aussi de la musique, qui joue aussi dans les rues, en fait. Ouais. Donc, le côté un peu en bon français busker. Donc, c'est ça, c'est musicien de rue. Il l'a fait à Toronto. Ce jeune garçon, tu sais, il y a Zach Zoya qui commence à venir et qu'on aime vraiment beaucoup dans l'organisation et qui commence à faire parler de lui. Langston Francis, c'est une sorte de Zach Zoya qui ferait une sorte de soul urban, tu vois. Et il était willing de jouer le jeu, de dire ok, je vais retourner. Il y a un album qui va sortir, je pense, à l'automne. Il y a une grosse équipe autour de lui, mais il lui dit ok, on y va. On va il y est aller. Tout jeune, il a 16 ans, 16 ans. Ouais, il a 19, de, mais pas plus que 20. Non, je pense pas qu'il puisse boire en Ontario. Donc, peut-être qu'ici, un peu plus. Donc, non, c'est ça. Puis Maypuff, effectivement, sont en tournée au Québec. Ils vont faire un croche par ici. Donc, et des gens comme Candle, qui, hélas, n'ont pas pu jouer, par exemple, au FME, ça sera l'occasion de l'avoir avec cette belle présence, cette voix incroyable, envoûtante. Et on a fait aussi une belle part aux musiques urbaines. Et. Comme Marigold et Donzel. Donzel, c'est une vétéran, je veux dire, de cette scène un peu hip-hop électro. Ça faisait des siècles qu'on l'avait plus vu. Et donc ça, c'est vraiment un bel ajout. Marigold aussi, qui était avant dans Bad Nylon, qui a un projet aussi hip-hop électro. Et c'est bien de savoir que ça existe. C'est Bayorg aussi. Fait que, tu sais, les musiques urbaines, pour l'instant, on en parle, mais on en fait. Les gens, je pense, aiment ça. Moi, j'avais vu le show de Bayorg au festival, justement, en juillet. Et ils m'ont mis le sourire tout au long, en fait. C'était du bon hip-hop, vintage, à l'os, comme ils aiment le dire. Oui. Mais pas poussiéreux. Et donc, en gros, si tu veux, on a des coups de cœur, on essaie de les faire revenir. Et le bon moyen de faire revenir ces groupes-là, ou de les faire venir tout court, comme Mary Gold, je pense que c'est son premier show à Québec, c'est un événement comme celui-là. Et en plus, c'est gratuit. Donc, voilà. Alors, des tas de lieux à découvrir, des artistes aussi pour Saint-Roch Experience, je vous le rappelle, à compter de ce vendredi 14 septembre, 16h. On va justement parler dans quelques instants avec l'un des groupes qui jouera. Flows. À l'Intermarché, Flows, effectivement. Mais l'ouverture de Saint-Roch Experience va être aussi marquée par le lancement de l'album de Corias, Arnaud. Oui, mon Dieu. À l'Impérial Bell. Oui, donc non seulement en plus ça, mais c'est vrai qu'en vitesse, oui. On a aussi Agnès Obel ce soir à l'Impérial Bell. Oui. On a Corias. Parce que c'est en plus le lancement, l'album, vous allez l'avoir en main seulement vendredi, parce qu'il sort vendredi, c'est la nuit des longs couteaux, le retour de Corias, les billets partent très très très bien, ça va être un super show en plus avec justement Zach Zoya en première partie, et puis mardi prochain Nathaniel Whitliff and the Night Suite, le retour de Nathaniel Whitliff qui nous avait fait un impérial bondé à craquer, et encore une fois je pense qu'on va être sold out mardi prochain. Et il y aurait Aurel San, mais il est sold out. C'est déjà complet. Non, mais c'est déjà complet. Tant pis. Oui, mais pour le reste, c'est gratuit vendredi et samedi. C'est un Rock XP. STROCH. XP.com. Donc c'est un Rock XP.com. Ça, c'est pour tous les détails. Arnaud Cordier, merci beaucoup. Merci. Programmateur de Saint-Roch Experience, c'est justement Corias qu'on va écouter maintenant avec son plus récent extrait. Voici 5 à 7. Répète toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Pas capable de marcher direct, show head. Toutes tes conneries, t'as toujours les bonnes défaites. De l'album à rec, t'as pas le corps de fête. Tu fais des efforts, mais t'es out of breath. Ignore tous les corps, ignore tous les textes. Moi d'abord, me myself, fuck him all, fuck le reste. J'ai fait un mess, j'ai tout fait exploser. Dans la poudre, j'ai mis le fire, j'ai tout fait sauter. Rien à foutre, la voix dans ma tête, chante du Frank Ocean. Swim good, j'vais aller me baigner dans mon self-loading. Nuit de budget, de la misère à enlever mon paquet d'os. La gueule de bois le mardi avec ma fille à l'école. Même pas capable de faire le backup de mon Macintosh. Encore moins capable de grab le téléphone et d'appeler mes chums. Encore oublié l'anniversaire de ma sœur. Occupé à faire l'inventaire de mes malheurs. Arrivé en tort à mon concert tout à l'heure. J'oublie les paroles puis j'ai l'air d'un amateur. Damn, j'suis en train de tomber, faut que j'get a grip. En train de devenir un fantôme ou un homme invisible. J'suis on the road, Post Malone qui joue dans le whip. Genre, j'abandonne ma famille pour des inconnus, j'suis pareil comme un rockstar. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Pas capable de marcher drette, show head. Toutes tes conneries, t'as toujours les bonnes défaites. Soir de brosse, cale les shots, bois le jack. Gueule de bois, mal de bloc and all that. Ignore tous les calls, ignore les messages. Ha, c'est moi d'abord, fuck them all, get smashed. On va roller jusqu'au last car. Encore sur la go, à gauche, à droite et chaque bar. Même un nouveau-né, je voulais me sauver de l'hôpital, dog. Je sais pas trop ce qu'on mis dans l'eau à Montréal Nord. Encore embarqué dans le char juste pour m'en aller chez nous. Enfoncer la pédale de gaz, j'ai fait des rap et les roues. J'ai marché la nuit dans les bois, je suis devenu l'ami des loups. J'essaie de m'échapper de mes remords puis de mes daddy issues. Tous les chemins que je prends amènent vers l'arrogance. Sorry, j'ai pas le temps, il faut que je parte en France. T'as pas ton petit crochet bleu, man, tu peux bounce. Je chill juste avec des verified accounts. Saint-Eustache est dans le noir depuis que le roi est mort. Dans le sol des patriotes, y'a un cercueil plaqué or. Pour prendre le trône de Jean-Guy Mathers, c'est moi l'espoir. Je dois sauver le peuple et passer à l'histoire. Oh fuck it, je vais juste aller boire. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Pas capable de marcher drette, show head. Toutes tes conneries, t'as toujours les bonnes défaites. Une bière, deux shots, 3 heures du mat. 4 paquets, 5 à 7 et 6 packs. Croix de bois, croix de fort, tu peux me croire. Jurer craché demain matin, j'arrête de boire. Corias avec 5 à 7 à CKRL 89.1, extrait de l'album à venir, ça sort vendredi, La Nuit des Longs Couteaux, et je vous rappelle que le lancement à l'Impérial Bell aura lieu le soir même. D'ailleurs, je vous annonce déjà en prix de présence ce soir, on vous offre une paire de billets pour le lancement, le spectacle lancement de Corias, Zach Zoya en première partie d'ailleurs. Alors soyez là au 380 rue Dorchester pour tenter votre chance. Et toujours dans le cadre de Saint-Roch Experience, un groupe qui fait beaucoup parler de lui sur le web, notamment grâce à un succès d'écoute sur des plateformes comme Spotify. Flows est avec nous pour parler de sa folle journée du samedi 15 septembre à Saint-Roch Experience. J'ai deux membres du groupe avec moi, Samuel Wagner, chanteur. Bonjour Samuel. Salut. Et également Pierre-Philippe Thériault à la guitare. Allô. Salut. Racontez-moi, parce que quand même, bon, vous commencez la journée ce 15 septembre, 14h30 chez Coyote Records. Étiquette de disque, jusque-là tout va bien. Ouais. J'ai joué dans un lieu qui est favorable à la musique et qui en accueille en ses murs. Mais l'Intermarché à 17h, comment vous appréhendez ça? Ben, honnêtement, en fait, parce que l'année passée, je sais qu'il y avait des shows là aussi à l'Intermarché, puis j'ai pas eu l'occasion d'aller voir ce que ça avait de l'air. Parce que je jouais avec Arfan à ce moment-là à Saint-Roch Experience. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir là. Mais ça me stimule. J'ai hâte parce que c'est là que je vais faire des commissions des fois de dernière minute. Encore plus quand c'est un lieu familier, je trouve. Exact. Hein? Oh ouais, ouais. Non, ça va être le fun. Pierre-Philippe, toi, l'Intermarché, ça t'inspire quoi comme spectacle? C'est un peu aussi ma place de commission en dernière minute là, donc. C'est sûr qu'on a hâte. Ben, ça va être particulier, mais c'est sûr ça va être le fun, ça va être bien drôle. Alors, je connais moins le dernier lieu à 20h, dites-moi. KRWN, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Ah, le Crown. Le Crown, ben oui, excusez. Ben, si vous pouviez voir ma barbe en ce moment à la radio, vous sauriez que je ne vais pas souvent au Crown. Mais donc oui. C'est l'air des barbiers, c'est ça? Oui, exact. Pour le préciser. Ouais. Au 461 rue Saint-Joseph-Est. De jouer dans ces lieux insolites, est-ce que vous, dans vos tournées, vous avez déjà joué dans des lieux qui étaient moins propices au spectacle, a priori? Pas ce point-là, je pense. Non. Pas ce point-là. Pas au point de l'Intermarché. J'ai fait des shows dehors par terre, là, mais pas dans un commerce en tant que tel, dans ce genre-là. Prestation de 30 minutes à chaque fois dans chaque lieu. Est-ce que vous allez varier? Est-ce que vous allez jouer en fonction du lieu ou est-ce que ça va être la même prestation mais dans une ambiance différente? Il peut avoir des surprises. Il peut ne pas en avoir non plus. Ça, c'est. Ça peut être plus mystérieux, là. C'est ce que vous allez voir. Mais je veux pas faire d'attente à personne, honnêtement. On est. Mais en fait, il va y avoir quelque chose de nouveau. Ça, effectivement, ce jour-là, pour les gens qui nous ont déjà vus, c'est la deuxième fois qu'on va. La deuxième fois qu'on va présenter un show avec un drum. Un vrai drummer qui est. Donc, même à l'Intermarché, il va être là? Ouais. OK. On est. Ouais. Ben oui. Ben, c'est avec Simon Choquette qui va se joindre à nous pour cette journée-là. Puis c'est ça. Pour les gens de Québec, ça va être la première fois qu'ils vont pouvoir nous voir. Dans cette formule. Ouais, exact. Flow, c'est une musique qui mène à la rêverie, j'ai envie de dire. Vous pouvez écouter ça vraiment en partant totalement ailleurs. C'est un voyage à chaque fois qu'on vous écoute. On parle toujours de Flows en parlant des écoutes sur Spotify, du succès que vous rencontrez sur cette plateforme. Comment vous le vivez aujourd'hui d'être populaire sur une plateforme comme celle-ci? Il y a des gens qui vous écoutent, savent même pas que vous venez de Québec. C'est juste la chanson qu'ils connaissent. Ce qui est drôle avec ça, c'est que j'ai déménagé récemment justement dans Saint-Roch. Puis mon voisin qui habite juste en haut de moi, on jasait comme ça, puis on se disait qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, puis tout. Puis là, j'ai dit que j'étais dans un band qui s'appelait Flows, puis il disait, ben, c'est un band qui est sur une playlist que j'écoute en ce moment, tu sais. Il savait déjà, mais honnêtement, tu sais, comment qu'on vit avec ça, honnêtement, je pense qu'on voudrait qu'il y en ait plus. Écoute, peut-être, je sais pas si c'est greedy un peu, mais... Parce que la chanson est diffusée, plus on vous écoute, plus elle est diffusée, d'une certaine façon. Mais c'est sûr que t'es si particulier des fois qu'il y a justement plusieurs écoutes, plusieurs fans sur Spotify, mais que dans le fond, c'est comme... Ben, c'est des vrais fans, mais en même temps, ils nous connaissent pas, ils n'auront peut-être jamais nous voir, à moins qu'on aille vraiment les voir. Donc, ça, c'est vraiment pas la même approche qu'un fan, mettons, de Québec ou de Montréal qui nous connaît, qui nous voit en show. Là, c'est, mm-hmm. Mais les deux se prennent bien. Là, on n'est pas sur eux. Ben, pour donner l'exemple, pour donner des chiffres concrets, Last Night, chanson que vous interprétez avec Ghostly Kisses, 249 000 écoutes et plus. Là, je donne le chiffre un peu rond. Ghostly Kisses aussi qui marche très bien sur Spotify. Oui. Alors, est-ce que c'est l'alliance des deux qui fait que ça explose à un moment donné aussi? Peut-être. Vous y pensez pas, ça. C'est des coups de cœur artistiques. Ben, c'est qu'on connaît Margot depuis un bout de temps. Puis, Margot Sauvé, avait... donc Ghostly Kisses. Oui, oui, c'est ça. Margot qui est Ghostly Kisses. Mais on avait envie de jumeler... Nos univers, ça allait de soi qu'on fallait faire de quoi. On est un peu le même univers musical, puis de... Sensation pas de aérien. Même le vocal, j'avais hâte de jumeler ma voix à la sienne d'une certaine façon. C'était comme un trip là, pour nous autres. Et c'est très bien choisi, sincèrement. C'est un coup de cœur pour moi aussi, comme beaucoup de gens donc, qui vous suivent sur les plateformes en streaming. Mais c'est un vrai coup de cœur, effectivement. L'alliance des voix, c'est quoi? Tu t'es imaginé chanter avec elle? Vous en aviez parlé avant que ce duo arrive vraiment? Ben, je l'avais imaginé avant d'y en parler, mais je la connaissais déjà, tu sais, puis... nous autres, on trippait vraiment sur Ghost. On trippe sur ce café, on trippe aussi sur Fjord aussi. T'sais, tout cet univers-là, ben, t'sais, on est tous à Québec, on se connaît, mais on n'avait jamais collaboré. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'avec cet album-là, on s'est dit pourquoi pas collaborer justement avec les gens qui sont sensiblement dans le même univers que nous. T'sais. Donc, on a été chercher justement aussi Louis-Étienne Santé de Fjord pour la réalisation. Puis on a travaillé avec Margot pour une toune, mais ça allait de soi, j'avais l'impression. T'sais. On écoute, bah, qui sait, elle est de Québec, hein. Elle sera peut-être là en invitée surprise à Saint-Roch Expérience. Je lance ça comme ça tout à fait au hasard. On peut y demander. Oui, je lui demanderai quand je la croiserai. L'album Passion Horse est sorti plutôt cette année au mois d'avril. On y retrouve 5 chansons, dont celle dont on vient de parler. Est-ce que vous travaillez déjà sur autre chose? Vous vous concentrez sur les spectacles? On a déjà commencé tranquillement, pas vite, la composition. Pour les spectacles, on a eu notre tournée de lancement. Il y en a peut-être d'autres qui vont s'ajouter, là, mais on n'a rien à confirmer après Saint-Roch Expérience. Mais on, tranquillement, pas vite, on s'en remet déjà à la composition. Fait qu'il va y avoir des nouveaux trucs qui vont sortir, c'est évident.

à découvrir sur La Fabrique culturelle. Fait qu'on s'est vraiment lancé là-dedans sans censure, en mettant toutes les photos, autant les mamelons, les corps. Mireille Busque, designer et photographe de l'environnement. Ce que je recherche dans un décor, c'est souvent le côté construction des constructions, le côté d'utiliser le lieu tel qu'il est, d'utiliser des objets, d'ajouter des objets aussi. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Premier acte en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et les productions Le Temps qui s'arrête présente Justin. Mes chers amis, c'est une nouvelle page de notre story qui se tourne tonight. Une ère of change remplie de défis qui frappent à notre door. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Allô, c'est Caro. Juste pour te dire, je serai pas au bureau pour un bout, je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident de trampoline. Vous ne voudrez pas que ça se sache, parce que tout le monde sait que c'est idiot de texter au volant. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour, ici Fabien Gabel. Le 19 septembre, laissez-vous impressionner par notre concert d'ouverture, une soirée grandiose où Lise de la Salle donnera le ton à cette saison époustouflante en interprétant le troisième concerto de Rachmaninoff. Pour cette nouvelle saison avec l'Orchestre symphonique de Québec, j'ai provoqué des rencontres étonnantes et élaboré une programmation offrant classiques intemporels et découvertes inattendues. Je vous y attends avec impatience. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. De retour dans Sortie culturelle à la Corrigan. Il nous reste une heure à passer ensemble. Jessica Leb avec vous. Venez nous rejoindre au 380 rue Dorchester. C'est votre rendez-vous du mardi en sortie à la rencontre des artistes d'ici, aussi d'ailleurs, qui passent nous rendre visite ici à Québec. Alors à 18h30, on aura un rendez-vous récurrent dans cette émission. On lance ce soir le concours Talent en scène à la Corrigan et nous accueillons ce soir notre tout premier artiste candidat. Je rappelle que c'est ouvert à tous les arts, hein, vraiment de la musique, à tout ce qui est radiophonique, donc de l'humour, du slam, du conte, etc. On veut vous découvrir. Vous pouvez vous inscrire en tout temps d'ailleurs sur le site ckrl.qc.ca. Je vous présente le premier artiste ce soir et j'aimerais une bonne main d'applaudissements du public, Jinx 314. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sébastien, de son vrai nom, mais exact. Ton nom d'artiste, c'est Jinx 314. J'aimerais que tu nous expliques ton nom d'artiste, d'ailleurs, pour commencer. D'où ça vient? Ça vient de deux choses différentes. Ça vient d'un passé de skateboarder, que j'avais son nom de Jinx. Quand j'ai déménagé à Québec, en résidence, ma chambre, c'était la 313. Puis j'avais mon nom Jinx en haut du numéro de pop, et c'est resté Jinx 313. C'est devenu mon gamer tag pendant longtemps, et maintenant, c'est mon nom d'artiste. D'accord, alors toute une histoire autour de ce nom, comme on peut le constater. Tu viens du Saguenay, tu es installé à Québec depuis 1993 et tu as grandi dans un milieu très anglophone aussi. Ouais. Tu as d'ailleurs fait ta scolarité dans une école anglophone, alors ça teinte ta musique, ton univers musical, parce que ce soir c'est du rap qu'on va découvrir. Ouais, j'ai eu beaucoup d'influence au niveau du Canada anglais et des États-Unis quand j'étais au secondaire et au primaire. Donc ça m'a ouvert des portes au niveau de pouvoir composer en anglais, comprendre des textes et aussi des influences musicales. Est-ce que tu as commencé à écrire en anglais ou en français alors? En anglais. En anglais? Au début, je m'étais entêté, je vais faire l'anglophone que l'anglophone. Et éventuellement, j'ai essayé un texte en français. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Et j'ai décidé que j'allais mélanger les deux. Et de quoi ont parlé tes textes très rapidement? Est-ce que c'était des histoires très personnelles, de l'observation? Absolument, c'est très personnel. Au début, le premier projet que j'ai fait, qui est un EP qui s'appelle Monarch, qui est un EP de 5 titres, c'est vraiment mon histoire. Je fais comme un petit résumé de mon histoire. Et maintenant, j'essaie de m'inspirer un peu plus des gens autour de moi, des faits vécus. De ce que tu peux observer un aussi. Un peu la société autour de moi, ouais. Ouais. Et en français et en anglais, est-ce qu'il y a une approche différente? Ou est-ce que tu abordes les sujets différemment? Non du tout, sauf que ça ouvre beaucoup de portes pour faire tout plein de belles rimes, par contre. J'imagine qu'à Québec, il y a peut-être des rappeurs qui t'ont inspiré. Là, on a parlé du lancement de Corias qui aura lieu ce vendredi. On pense évidemment à Webster aussi, par exemple, mais c'est vraiment quelques noms parmi tant d'autres. Si on parle dans les artistes plus actuels, parce que j'ai quand même laissé le rap de côté pendant un certain nombre d'années. C'est quelque chose avec lequel je suis revenu là, peut-être 2-3 ans. Et c'est le Montreal Sound qui m'a vraiment beaucoup influencé. Corias, Fouki, Loud, des gens comme ça. Là. Et qu'est-ce que tu apprécies dans ce qu'ils font présentement avec le rap en français? J'aime le petit côté... comment je pourrais dire? C'est moins agressif. C'est moins crié. De pouvoir travailler avec les deux langues, ça te permet une belle recherche du texte. Aller chercher des petites subtilités, des petits clins d'œil, des petits insights. Mm-hmm. Ce soir, tu vas présenter 4 chansons dans exact. Le cadre de ce concours Talent en scène. Est-ce que c'est des chansons qui ont été écrites récemment? Est-ce qu'il y en a des plus anciennes? Ils datent toutes soit fin 2017 ou 2018, celle-là. D'accord, donc c'est tout dans la dernière année. Oui, là. Oui, oui. Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile de choisir les chansons pour ce soir? Il y a peut-être la dernière que je n'étais pas certaine. Peut-être que ça va bouger un petit peu trop pour la Corrigan, mais on va la faire pareil. Mais non, je suis sûre que le public est enjoué ce soir. Ça va bien aller. D'ailleurs, tu seras en spectacle, Jinx 313, à l'Anti, pardon, oui. Bar et spectacle. C'est dans le quartier Saint-Roch aussi, le 16 septembre à 21h. Spectacle en première partie de Snake the Ripper. Snake the Ripper. Snake the Ripper. Ouais. Raconte-nous, est-ce que tu connais cette formation qui joue après toi? Pour être bien honnête, je ne la connaissais pas vraiment. Snake the Ripper, je ne la connaissais pas. Je connais Chuck et MP. Il va y avoir aussi Cogité qui va être là cette soirée-là. Nika aussi qui va être là, que je connais personnellement. Donc, ça va être une belle soirée. Mais Snake, tu as écouté quelques-uns de ses trucs. Puis c'est un rappeur qui vient de l'Ouest canadien. Il est très talentueux. J'ai bien hâte de le rencontrer. Oui. Ouais. Et l'Anti laisse toujours une belle place aussi aux artistes en rap, en hip-hop. Tout à fait. Mais pas juste en rap, mais toute la en scène général. Locale. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier justement l'Anti, Carl-Emmanuel, District 7 Productions et ExoShop pour les chances qu'ils m'ont données les derniers mois. Là, ça va être la troisième fois que je me produis à l'Anti depuis cet été. Fait que je les remercie. On a un avant-goût du spectacle alors ce soir avec ce concours Talent en scène. Je vais te laisser t'installer, Jinx 313. On va découvrir son élément, le rap, ses textes aussi. On a le jury qui est présent dans la salle. Pour l'instant, incognito, mais ils vont devenir de plus en plus connus puisqu'ils vont nous accompagner pour toute cette première vague de concours jusqu'à la fin octobre. Je vous rappelle, c'est 8 artistes qui vont se succéder pour cette première vague. Comme je le disais, des artistes en tout genre puisqu'on va vraiment naviguer de la musique, au conte, en passant par le slam, la poésie. Bref, on va vous les dévoiler au fur et à mesure. Et donc, le jury donnera ses impressions juste après la prestation de l'artiste. Alors, comment ça se passe maintenant? C'est tout simple. Je laisse 15 minutes top chrono à l'artiste en compétition ce soir. Le public de la Corrigan t'appartient. Cher public, je vous demande de réserver un accueil chaleureux à notre premier candidat, Jinx 313. Ouais, merci tout le monde. Bonsoir la Corrigan, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes prêts à écouter un petit peu de rap keb. La nouvelle formule rap keb qui est un mélange anglais-français, selon moi, c'est la recette gagnante. Vous êtes prêts? Ben, moi je suis, c'est bien, c'est bien. La prochaine chanson a trait du fait que depuis que je commençais à faire de la musique il y a 2 ans, je n'ai plus de vie. Wake up, c'est temps que je mêle le coffee. Sans ça, je suis en runes comme un Bruins Paul Coffee. Mon miroir me salue, comment est-ce qu'il va mon beau cerner? J'enfile le jersey, je fume une clope, besoin déjeuner. I take a walk, même quand il fait pas beau, parce que 5 minutes later, je suis déjà à mon bureau. All set and ready to go. I go all day. Je punch ma carte, je mets mon numéro sur le timetable, parce que même pas willing, I'm always so able, never late, assidu, definition of punctual, quand je pète une coche, déménage autant que you all, mon brain, machine exceptionnelle, mélange de chaton et pitbull, de ruelle à l'université de la vie, diplômé par excellence, j'ai full de skills, mais je me spécialise dans la polyvalence, I can do anything, I can do anything. I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do anything. I can do anything. Anything. I can do anything. Anything. I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do. Déjà 5 heures. Time flies, faut que je dépunche d'une tard. Un an plus tôt, je finissais mon lunch. Un autre petit walk back à la maison. But like I said before, c'est pas loin. So je m'habille 4-16. Après une journée on the job, faut que je décompresse. Fait de mal à personne, so no stress. Bout de blesse, char dehors, fumer des épices d'artistes, pis j'feel bliss. I go all night, good vibes. C'est là que la magie se passe. Désolé les amis, si j'ai pas le temps, pis j'vous tasse. It's nothing personal, c'est juste mon deuxième chiffre qui commence. J'travaille fort pour mériter ma récompense. J'veux pas de handout, j'demande pas la charité. But be ready, tel un marteau, je vais frapper sans pitié. J'work hard sur mon flow, et quand je blow, j'arrive avec mes sons blindés. J'vais tout défoncer comme un gros char d'assaut. I can do anything, I can do anything. I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do anything. I can do anything, anything. I can do anything, anything. I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do, I can do anything. I'm gonna make it one day. I'm gonna make it one day. C'est toujours en forme, la Corianne. Je voudrais remercier la Corianne et CKRL pour cette opportunité. Première apparition radio, premier show live à la radio. Oui, la prochaine est un petit peu prétentieuse, je l'avoue en partant. Je suis désolé. Ladies, mesdames et mademoiselles, voici la confession d'un homme exceptionnel. À toutes celles qui ont croisé mon chemin, changé mon destin, qui m'ont donné l'étincelle, qui m'en ont fait baver, et m'ont fait baver, pour qui j'ai bravé, gravi et conquis dans mon cœur à jamais gravé, malgré les disputes et les querelles, et on discute. Avouez mes jolies, c'est mon amour qui vous a donné des ailes. Derrière vos soupirs se cache le désir, soit en obtenir un petit souvenir sous forme de plaisir. Car je suis maître dans l'art d'assouvir. À l'horizon, t'as rien ne sert de courir. Profite d'où se perd mon sourire. Car une fois lancé, rien ne m'arrêtera. Moi, la réincarnation de l'auteur du Kama Sutra. Désolé, c'est à vous d'assumer vos choix. Je vous comprends, vous devez vous en mordre les doigts. J'étais pas fait pour toi. Je suis trop parfait. Trop parfait. J'étais pas fait pour toi. Je suis trop parfait. Trop parfait. J'étais pas fait pour toi. Je suis trop parfait. Trop parfait. J'étais pas fait pour toi. Je suis trop parfait. Je suis trop parfait. Désolé mes chéris, no more babies for me. Déjà opté pour le bistouri, une vasectomie convertie, ma familiale en sportive. Je baise en décapotable doucement, baby. J'ai mon ange sur le qui-vive. J'adore butiner les fleurs, m'y pose tel un papillon. Et vos frissons quand j'effleure les roses. Et vos mamelons trop distraits par vos pistils. Et mon piston que j'en finirai vieux. Garçon, j'étais pas fait pour toi. Je suis trop parfait. Parfait. I'm just a parfait pour toi. Je suis trop parfait. I'm just too perfect for you. J'étais parfait pour toi. Je suis trop parfait. Trop parfait. I'm just too perfect for you. J'étais parfait pour toi. Je suis trop parfait. I'm just too perfect for you. I'm just too perfect for you. I'm just too perfect for you. And you, and you, and you, and you. Et toi, et toi, et toi, et toi. J'étais parfait pour toi. Je suis trop parfait. Trop parfait. I'm just too perfect for you. J'étais parfait pour toi. Je suis trop parfait. Trop parfait. Bon, elle est faite. Je suis désolé pour cette prétention. Merci, merci. Merci beaucoup. Je voudrais dire un gros merci à mes employeurs, les magasins La Tulipe. À travers cette folle idée-là que j'ai eue de commencer à faire de la musique, ils m'encouragent, ils me soutiennent et je les remercie. L'eau a coulé sous les ponts, fini de faire la fin. Fini de faire la con, j'viens pour faire des conquêtes. No riddles, no casse-tête. J'manque un peu de patience, fait que j'ai la bête. Mais hold tight, que j'suis ben high, it's alright. Ben focus, I go all night. Pound for pound, I'm the best fight. Je sais que j'arrive sur le tard, mais j'veux pas que j'm'arrête. Ben j'suis juste sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord. Oh, fait que j'écris dans mes cahiers avec de bonnes intentions. Mais faudrait surtout pas que mon ego nuise à mes ambitions. So I stay modest, dans le success. Pas un concours, no contest. I'm experienced, don't no stress. Got an old soul, so God bless. Ah! Feels like I'm flying. I'm so high. I feel my soul fly. So fly, so fly, so fly. So go, go, just go, go. Show. Foge glow, don't miss your chance to blow. So high when I get low, I see you planning on my flow. Depuis que j'ai écouté le Get Down, you know, I feel like I got to go. So go, go, Québec, Québec, on top respect. Pour les gens de la scène, no disrespect. No diss track, no battle rap. Juste bon old school avec un douze de trap. Avec des bouts qui bounce, d'autres qui boom bap. Pis ça je le pense, non ils te font tap. Pis si je veux que tu danses, il faut que je m'adapte. Passe à palette, puis je passe à l'attaque. Passe à palette. Puis je passe à l'attaque, passe à la palette, puis je passe à l'attaque. I feel like flying, I'm so high, I feel my soul fly, so fly, it feels like I'm flying, like I'm flying, I'm so high, I feel my soul fly, soul fly, soul fly, soul fly, soul fly, soul fly. So high when I get low, je devrais planer sur mon flow. Je m'en vais nulle part, fait don't go. Fuck it, amateur, j'suis un pro. I'm so high when I get low, je devrais planer sur mon flow. Je m'en vais nulle part, fait don't go. Fuck it, amateur, j'suis un pro. I'm so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly, so fly. Merci, merci. Donc la prochaine, habituellement, je demanderais aux gens de venir bouncer. Mais je crois que pour ce soir, on va s'abstenir. Wait for it, there's no need to run for it. Make sure you're ready before you rush into this. Prends ton mal en patience. And just wait for it. Fais des choses bien. And just wait for it. Wait for it, there's no need to run for it. Make sure you're steady before you head into this. Prends ton mal en patience and just wait for it. Do the right thing and just wait for it. Time is a concept that's relatif. Parce qu'il y a des jours où ça va très lent, puis d'autres où ça va trop vite. Parfois je suis coincé dans le trafic. Crise de panique, reflux gastrique. Squeeze the juice comme un citron surpressé dans le jus deadline. Je suis stressé. So get the fuck out of my way. Tossez-vous, laissez-moi passer. Fais de la place pour mon ego, pas responsable des dommages collatéraux. Ah, wait for it, there's no need to run for it. Make sure you're ready before you rush into this. Prends ton mal en patience and just wait for it. Fais les choses bien. Just wait for it, wait for it. There's no need to run for it. Make sure you're steady before you rush into this. Prends ton mal en patience. Êtes-vous prêts parce que ça va changer là? Ça va bouger là. Oh, yeah. Oh, s'il y avait des gens qui n'avaient pas compris le nom, c'est Jinx 3 The Team. Hold on, here I come, I'm the next number one. Drop my pants, leave you stunned. Pistol whip you with no gun. Get down on your knees, let me hear you say pretty, pretty, pretty please. Teach you about the birds and the bees. Nah, fuck that, I'm such a tease. I've seen enough to know the difference. Even out of my mind, it still makes perfect sense. I hear you talking, but I ain't listening. Even though it was nice that I need your advice, can you get that 50 cents? Ha, early bird catches the worm, they say, but the better things come to those who can't wait. Wise fisherman carefully chooses his bait. I'll keep dropping the line to the meridian finds. You're just gonna have to wait for it. Wait for it, wait for it. Prends ton mal en patience and just wait for it. Wait for it, wait for it. Sois patient, sois patient. Merci beaucoup tout le monde. Merci la Coréenne. Merci encore, c'est KRL. Merci, Jessica. Jinx 313, merci, notre premier candidat à talent en scène ici à la Korrigan. Et ça y est, merci beaucoup pour cette prestation. On commence en rap, ça commence fort pour ce concours. On va laisser le jury s'installer autour de la table et tu vas pouvoir te joindre à nous. Jinx 313, je vous rappelle que si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, il sera en spectacle le 16 septembre prochain à l'Antibarré Spectacle. Et on a deux paires de billets à faire tirer ce soir après l'émission. Alors je vous présente le jury avec moi ce soir. On retrouve Jacques Boivin, fondateur du blog écoutedon.ca, consacré aux artistes en musique émergente à Québec particulièrement, mais vous naviguez partout. Bonjour Jacques. Salut. En plus de ça, je suis aussi un animateur assez CKRL. Oui, c'est vrai, je peux le dire. Maintenant, tu es de retour avec le Chauvin musical le samedi 16h30. Ben oui, juste de la musique de Québec, tous les genres. En plus. Jacques, en plus, lors de ce concours, on n'a pas encore parlé des prix qui sont offerts, mais tu offriras notamment à notre gagnant une séance photo professionnelle offerte par Écoute donc ça. Ben oui, par moi ou un autre de mes excellents photographes de la gang. Ça va dépendre qui va être disponible le jour où on va s'arranger. Jacques, raconte-nous alors, est-ce que tu t'attendais à commencer en rap ce soir? C'est bien, on commence en musique. Ben moi, tu me sors de ma zone de confort un peu, je t'avoue. Mais en même temps, écoute, aujourd'hui, tu sais, je suis en train de préparer une critique d'album de Corias. Ça alors. Donc, tu sais, pour le lancement pour vendredi. Donc, je suis pas si t'étais dans l'ambiance. Hors de ma zone. Oui, je suis dans l'ambiance. Puis franchement, ben écoute, moi j'ai pas mal apprécié ça. C'est smooth, c'est relax. Une belle petite présence, c'est une belle présence scénique quand même. Faut le faire parce que jouer ici, pas de DJ, pas rien, tout seul avec en bon anglais du playback, c'est pas évident avec une foule quand même. On s'entend pas bien. On s'entend pas super bien. T'as pas de moniteur, t'as rien. Puis on est quand même en plein milieu d'une période 5 à 7. Là, c'est pas ce que le plus facile. Ouais. Pour du rap, oui, c'est vrai que c'est du jamais vu. Puis franchement, je peux te dire que le son a baissé d'à peu près 20 décibels en arrière de moi. Donc, t'as réussi à attirer l'attention. Oui. Ça, juste pour ça, chapeau. Bravo. Merci. Chuck est toujours très sensible au niveau sonore de la mais salle. Mais ça, tu sais, j'ai un t-shirt sur lequel il est écrit « Fermez vos gueules » en arrière. Là. Écoutez le show. Ouais, c'est la suite de la phrase. D'accord. Donc ça, c'est pour tes impressions, Jacques. Ben, c'est une de mes impressions, mais je pense qu'on continue à en discuter après. Bien sûr. Et puis, est-ce que tu le connaissais, James Rutherford? Parce que toi, t'es à l'affût de tout ce qui se passe. Ben non, même pas. Je viens de te découvrir. C'est tout nouveau, moi. Tout nouveau, ben oui. Ça va faire 2 ans au mois de fin janvier que je commence. Mais non, mais il va falloir qu'on se parle, je pense. Tu as sorti un EP, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, James Rutherford, Monarch, sorti en juin 2018. Ouais, exact. Alors, notre deuxième membre du jury, Léa Fischer-Albert, directrice des communications, du marketing et du financement au théâtre du Gros Mécano. Bonjour Léa. Bonsoir. Alors Léa, on n'est peut-être pas dans ton domaine de prédilection au départ, mais quand on travaille en théâtre, on est amateur d'art aussi. Oui, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre du Gros Mécano, c'est une compagnie de théâtre jeune public. Alors, on est quand même loin de votre public cible. Cela dit, dans ma vie personnelle, j'écoute quand même du rap. Je vis avec un homme qui ne vit que pour le rap. Ah, bon. Alors, j'en ai entendu beaucoup et ma culture à cet égard s'est développée énormément dans les dernières années. Moi, je veux dire, d'abord, bravo du courage de décider de faire du rap au Québec. On sait que c'est pas facile, particulièrement en français. Moi, ce que j'aime le plus de cet art-là, c'est probablement parce que je viens du milieu du théâtre, mais que vous racontez des histoires. They're storytelling, comme on dit en anglais. Puis je trouve que c'est quelque chose que tu fais particulièrement bien ce soir dans un contexte difficile. J'ai aussi remarqué quand même une différence entre tes chansons que tu faisais presque exclusivement en français puis celles où tu parlais plus en anglais. Ton flow est plus confiant en anglais, plus énergique. Le flow auquel je suis plus habitué. Exactement, c'est ce que je me disais après avoir lu ta biographie. Donc, c'est vraiment intéressant. À la limite, ça ne fait que dire qu'il y a encore place à l'amélioration pour le français, mais moi, je pense que c'est sûr que tu es capable d'atteindre les deux niveaux éventuellement. Si jamais on me dit qu'il n'y a plus place à l'amélioration, j'arrête. Ben voilà, on est dans les arts de la scène pour s'améliorer constamment. Mais j'ai beaucoup aimé ta capacité à raconter des histoires. Puis de le faire en rap. Bravo. Merci. Mais d'un autre côté, côté rap, je veux dire le rap keb, le mélange de... Ce qu'un linguiste comme moi, des fois, pourrait traiter comme avec un peu de mépris, comme une langue, blablabla. Mais écoute, il y a des conventions, il y a tout, puis tu les respectes très bien. Je veux dire, moi, je n'étais pas perdu. Là, que je t'écoute ou que j'écoute, Dead Obies ou n'importe qui d'autre, ou Corias, je sais que c'est une de tes influences. Ouais. Écoute, je n'étais pas perdu. Les conventions étaient là, la langue était là. C'était difficile de s'y perdre. C'était très clair, c'était très facile. Mais quelque chose que j'ai trouvé cool, par exemple, c'est le côté. Tu sais, je regarde, j'en ai vu beaucoup de shows de rap cet été, les festivals, puis tout. T'es cool, t'es relax. En bon français, t'es chill, tu sais. Ben, je regarde les gars, ça saute, ça jump, ben, ça bounce, comme tu dis. Mais toi, t'es. Je veux dire, juste le débit de voix, puis tout, je veux dire, c'est doux, c'est relax. Évidemment, les deux premières chansons étaient se prêtaient à ça. La première bougeait un peu plus. J'étais même, je le trouve, il est peut-être même un peu trop relax, là, t'arrives avec la troisième. Bang, OK, good. Là, je me dis, OK, le gars, il est varié, il est capable de passer d'une talle à l'autre, puis il n'y a pas de problème, c'est le fun. Puis c'est pas super facile à faire. T'sais, généralement, j'entends des trucs, puis j'ai l'impression souvent, oui, avec le rap, des fois... Quand tu connais pas trop ça, t'as l'impression des fois d'entendre tout le temps la même tune sur un album. Effectivement. Puis là, t'arrives, tu changes un peu. Il y a de la variété, tout. J'ai bien aimé ça. C'est ça. Je veux que les gens puissent écouter mes projets, puis qu'après 3 tunes, aient envie d'entendre la prochaine. Non, pas bon, mais là, c'est les 3 tunes pareilles qui viennent de passer. Je vais écouter d'autres choses. Ben, je pense que Paris réussit là-dessus. Puis même pour le processus créatif, de tout le temps refaire la même recette, c'est pas très stimulant pour un artiste. Là. Et mais moi, pour ajouter à ça, je trouvais aussi qu'il y avait une belle gradation d'énergie. Là. Donc, c'était un choix de direction artistique quand même intéressant de faire ça. C'est risqué aussi de starter plus mollo dans une salle comme celle dans laquelle on se trouve. Mais c'est ça, au bon moment, tu as lancé la bonne toune pour garder l'attention. J'avais choisi pour avoir une progression puis pour essayer d'avoir du souffle. J'ai trouvé ça dur de pas avoir de break entre les chansons. J'avais de l'air chill, mais la vraie, c'était comme... Ah là, t'es essoufflé un petit peu, là. Faut que tu retrouves ton air. Et le silence à la radio, hein, dont on a toujours peur. Et d'ailleurs, notre troisième membre du jury, c'est une voix, puisque vous allez juste l'entendre dans vos écouteurs à la maison. On voulait avoir le point de vue radiophonique aussi. Alors, Mikey G, notre metteur en ondes, fait partie du jury aussi. Il va nous adresser quelques mots sur ta prestation. Bonjour, Mikey. Ben, salut, salut. Alors, Mikey, quelles sont tes impressions du côté de la radio? Parce que toi, t'as pas le visuel, hein? Ben non, je suis le jury sans la présence scénique, donc mon jurisme n'est que par les oreilles. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment... C'est du rap, comme... J'aime bien ta présence, ton persona, il est, comme il disait Jacques, t'es chill, mais en même temps, t'es lumineux, t'es de bonne humeur, puis t'as un swag, tu te prends pas pour une manchette de gomme, puis ça paraît, mais tout ça dans la wholesomitude de la chose, si je peux m'exprimer ainsi. Puis tes beats sont écœurants, donc non, ça tout ça a transparu juste par mes oreilles, donc j'aimerais ça te voir sur scène, juste pour complémenter le tout, mais vraiment, un beau travail. Bon, tu me vois sur chaîne, je suis à Lanty le 16 septembre ainsi que le 7 novembre pour la première de Stitches. Excellent. À suivre donc. Merci beaucoup, Mikey G. Merci, Mikey. Et je reconnais la voix. Hein. C'est vrai. T'écoutes CKRL, c'est pour ça. Ouais, je reconnais la voix, je reconnais. C'est le secret. Merci, Mikey, qui nous donnera toujours son avis depuis les studios de CKRL. Ben merci, c'était une belle première prestation. Je pense que le public, on peut applaudir encore une fois notre premier candidat, merci James Free 13. Et je rappelle que ce soir, il fait tirer 2 paires de billets pour son spectacle du 16 septembre à Lanty. À suivre dans les prochaines minutes de sortie culturelle. Cher jury, restez avec moi. Je vous propose de célébrer ça avec une bière dans quelques instants avec la chronique bière de la Korrigan. Sortie culturelle. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Bonjour, ici Fabien Gabel. Le 19 septembre, laissez-vous impressionner par notre concert d'ouverture, une soirée grandiose où Lys de la Salle donnera le ton à cette saison époustouflante en interprétant le 3e concerto de Rachmaninoff. Pour cette nouvelle saison avec l'Orchestre Symphonique de Québec, j'ai provoqué des rencontres étonnantes et élaboré une programmation offrant classiques intemporels et découvertes inattendues. Je vous y attends avec impatience. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire des saisons. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Pour savourer le quartier branché de la ville, direction Saint-Roch-XP. Prolonge ton été avec l'événement incontournable de cuisine, d'art et de musique. Dégustation, marché des créateurs, plus de 24 artistes performants dans des lieux inusités. Trouve tout pour te nourrir le corps et l'âme. Saint-Roch-XP, c'est bon, c'est beau et ça sonne bien. Les 14 et 15 septembre sur la rue Saint-Joseph. À découvrir cet automne au Palais Montcalm Maison de la Musique, du blues avec le célèbre guitariste Eric Bibb et son complice Michael Jerome Brown le 4 octobre, du jazz avec les musiciens Rody Elias, Mark Copland et Adrian Vedadi le 5 octobre, la tournée d'adieu du légendaire groupe de rock progressif Strubs le 10 octobre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. SDC 3e Avenue, la Maison des Femmes de Québec, Théâtre Petit Champlain, Salle Albert Rousseau, Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Korrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. On est toujours dans Sortie culturelle à la Korrigan. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner jusqu'à 19h30. Oui, public, applaudissez, manifestez-vous, soyez heureux. 380 rue Dorchester, si vous voulez encore nous rejoindre. On a tellement de beaux prix de présence à faire tirer à la fin de l'émission, mais qui dit prix de présence dit il faut être là. Donc on a le dernier album de Flows, on a Irish Moutarde aussi qui nous a apporté deux albums, des paires de billets de Jinx 313. Vous allez pouvoir aller aussi au Festival de cinéma de la ville de Québec, wow, au lancement de Corias le 14 septembre à l'Impérial. Bref, franchement, il y a de quoi faire ici. Et évidemment, on ne peut pas parler de la Korrigan sans parler de la bière qui est servie ici. On aura tous les mardis à compter de 19h la chronique bière de la Korrigan. Alors oui, on va parler des bières de la Korrigan, mais pas seulement. L'idée, c'est de vous faire découvrir les microbrasseries québécoises. Et c'est les employés de la Korrigan qui nous présentent leur bière préférée. On commence avec Pierre-Anne Saint-Jean, responsable des communications et marketing à la Korrigan. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va, et toi? Oui, super bien. Pierre-Anne, raconte-nous déjà, peut-être pour commencer, pour les gens qui ne connaissent pas la Korrigan, quel genre de bière servez-vous? Est-ce que c'est aussi large qu'on peut l'imaginer? Oui, en fait, on a une palette qui est très, très variée. Nous, en fait, on brasse depuis 2010, donc on a vraiment évolué dans les styles. Ça a commencé avec la propriétaire brasseur, donc Catherine Dionne Foster, qui, elle, avait un style un peu plus traditionnel, un peu plus anglais. Maintenant, avec Jean-Sébastien à la barre du brassage, là, on est vraiment avec des styles un peu plus nouveaux genres, autant dans les IPA plus fruités, pardon, autant dans les bières plus acidulées. Donc, on est vraiment dans différents spectres. Donc, on peut avoir une palette de dégustation qui est hyper variée. Donc, on peut passer une bière plus légère à une bière qui va être un peu plus forte en alcool, plus ronde, comme on peut dire, donc un peu plus sucrée, un peu réconfortante, plus de fraîcheur. Donc, on peut aller du tout au tout, vraiment. C'est la force un peu de nos bières. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as choisi pour commencer l'initiation à la Korrigan? Oui, bien en fait, chaque semaine, on va parler des produits différents, on va parler des brasseries différentes. Je me suis dit qu'on allait commencer par vous inviter par chez nous, par la Korrigan, donc en vous souhaitant la bienvenue, mais aussi en parlant d'un des produits que j'aime beaucoup, qui est devenu une signature, en fait, un produit qui a évolué. Je parlerai de la White Kraken, qui, à la base, est née de son grand frère, la Kraken, qui était une IP un peu plus classique, justement, traditionnelle, sur l'écorce de pamplemousse, écorce d'orange et tout ça. Puis là, Jean-Sébastien, en fait, a créé son petit frère, la White Kraken, en 2016. Donc, ça fait quand même déjà 2 ans. Il s'est inspiré des bières du New England IPA, je dirais des bières des États-Unis, de l'Est des États-Unis. Une bière qui est plus fruitée, plus aromatique. Il avait envie d'essayer d'explorer ça. À ce moment-là, c'était pas encore très, très connu. Il y avait les amateurs de bière, bien sûr, qui se dirigeaient vers ça, mais c'était pas encore hyper populaire dans les brasseries au Québec. Donc, ça a bien tombé. Là, c'est devenu super à la mode. Fait qu'on entend tout le temps parler NEIPA, qu'est-ce que c'est ça? Donc, New England IPA ou encore IPA du Nord-Est, qui est un peu un synonyme, je dirais. Cette bière ici, version cream ale, c'est quoi? C'est qu'elle est poussée à l'azote. Au lieu d'avoir du gaz carbonique à l'intérieur, vous d'avoir du CO2. Elle n'est pas pétillante, elle est crémeuse. Donc, ça vient apporter, je dirais, je trouve qu'on goûte plus les saveurs, le côté aromatique, plus le côté fruité. Je ne sais pas si vous remarquez, moi, je trouve que ça goûte un peu la pêche. Donc, il n'y a aucun fruit à ajouter à cette bière-là. C'est vraiment les houblons en tant que tel qui donne tout le côté aromatique de la chose, des houblons qui sont ajoutés, beaucoup d'houblons qui sont ajoutés à la fin du processus. Donc, oui, un beau côté amer, mais on vient un côté vraiment fruité qui vient être ajouté à ça. Ben, je me sens un peu usurpateur, parce que là, ça fait depuis le début de la soirée que je bois juste de la White Kraken. Ah bon? T'es allé vers ça automatiquement? Je suis même, j'ai mon petit verre de dégustation, mais j'ai ma pinte à côté qui est exactement la même chose. Et moi aussi. Léa aussi. Bon. Ben, racontez-moi alors, pourquoi vous êtes-vous dirigé vers cette bière en premier lieu? Moi, je suis un amateur de deux trucs en termes de bière, de l'IPA et de la cream ale. Tu mélanges les deux, je suis heureux, là, tu sais, vraiment. Puis écoute, elle est vraiment pas, tu sais, je veux dire, c'est pas une IPA amère, c'est justement, c'est une IPA. Elle l'est, mais ça paraît pas. Ouais, ça paraît pas. Super balancé. Tu sais, il y a un équilibre là-dedans, puis justement, le goût de pêche, là, tu viens de me le dire, j'ai l'impression de manger du bon vieux yogourt de Lille aux pêches quand j'étais petit, puis tu sais, j'aimais pas les pêches, mais j'en mangeais pareil, tu sais. C'est comme, c'est justement, c'est subtil, c'est bien fait, puis tout. Puis, là, tu me dis justement, c'est amer, mais ça l'est pas, c'est peut-être probablement parce que je suis habitué de boire de l'IPA. Mais ça passe super bien, c'est doux. J'ai pas l'impression de virer une brosse là-dessus, quoique je suis mieux de m'en retourner chez nous à pied tantôt. C'est peut-être traître un peu, non? Oui, taux parce qu'elle est traître. 6,4% d'alcool, oui, c'est assez traître en pinte. Même 6,7, celle-là. Mais non, donc, écoute, c'est savoureux. C'est, écoute, tu veux passer une belle soirée, jaser avec tes amis, tu prends une bière qui n'est pas trop lourde, qui n'est pas trop amère, qui n'est pas... qui te fait pas mal d'une façon ou d'une autre. Je pense que la White Falcon, c'est un bon choix. C'est une bière qui conquiert aussi des gens de différents types, différents amateurs de bière. Moi, je travaille aussi derrière le bar, puis j'ai souvent des clients qui veulent essayer des choses ou qui sont pas certains, ou « Ah, j'aime pas trop l'amertume » ou « J'aime pas trop les bières aux fruits » ou les bières... C'est pas différent, mais moi, j'aime ça jouer avec eux, puis j'aime ça vraiment leur donner des... Ben, c'est vrai, j'aime ça servir leur... Échanger leur... Écoute, c'est quasiment une bière pour tout, là. Tu sais, je veux dire, les gens qui aiment pas les fruits... Il y a un petit goût fruité, mais c'est pas trop grave. Les gens qui aiment pas trop l'amertume, oui, il y a un petit goût d'IPA, mais en même temps, elle passe super bien. Je pense qu'il y a une belle réussite, tu sais. Ben, moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que je suis une grande fan d'IPA, mais parfois, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Puis, donc, souvent, je recherche une bière qui est entre une IPA et une blanche par son goût, donc qui a quand même un côté amer. Puis, je trouve que celle-ci répond extrêmement bien à cette demande-là. Et en plus de ça, elle a la tête très crémeuse des Cream Ale, là, qu'on, bon, la plus connue était probablement la Kilkenny, là, donc qu'on retrouve plus souvent en rousse, etc. Puis, pour compléter ce que Jacques disait, moi, je suis d'accord aussi que c'est comme si tous les arômes viennent se compléter. Pour les gens qui aiment moins l'amertume, il y a le côté fruité qui rattrape. Pour ceux qui aiment moins le côté fruité, il y a le côté amer qui vient comme tout englober dans une fin de bouche qui est vraiment douce et très agréable. Surtout, à mon avis, pour l'apéro, là, ça part bien pour la soirée, effectivement. Ah oui, une belle bière de soif, une belle bière autant été que même si on tire un peu vers l'automne. Je trouve que ça fait vraiment passe-partout comme bière. Ça plaît à beaucoup de public. Puis le côté cream ale est vraiment intéressant parce que dans les IPAs, on le voit pas souvent. Puis c'est une belle manière de goûter vraiment les houblons. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de nos bières, on a des houblons québécois. Comme tous les produits à la Corgan, en fait, on fait affaire avec des producteurs locaux. Donc, que ce soit le menu bouffe, que ce soit les produits dans les bières, les maltes, les houblons. Donc, dans celle-ci, tous les houblons utilisés en Amérique du Nord sont des houblons québécois. Et les houblons ajoutés à la fin, donc le côté justement aromatique, sont des houblons que, bien sûr, qu'on peut-être plus des houblons américains. Mais l'ensemble des houblons dans la recette principale sont des houblons québécois. Donc, encore une fois, c'est intéressant. L'ensemble de notre tableau, je vous dirais que 80% c'est fait avec des houblons du Québec. Intéressant. Donc, je vous rappelle la White Kraken Cream Ale à découvrir à la Corrigan. Elle est au menu en ce moment. On a failli perdre un spectateur dans la salle à cause peut-être de la dégustation de bière. Donc, disponible en tout temps, Pierre-Anne? Non, du tout. Comme on est une microbrasserie artisanale, nos produits sont en rotation. Donc, on y va avec les produits frais, comme j'ai dit tout à l'heure, des houblons, la disponibilité des houblons, des produits. On essaye aussi, on a seulement comme 10 lignes à la fois. Donc, puis aussi, on n'est pas industriel, donc on fait de petits brassins. Donc, quand c'est terminé, on y va selon la demande. C'est sûr que la White Kraken, ça part vite. Mais oui, c'est vraiment, je pense que c'est pas mal dans notre plus populaire, dans notre top de bière plus populaire. La Cream Ale, elle ne sort pas souvent. Il y a comme de la pression au niveau des brasseurs, justement. Là, autant les employés que les clients étaient très, très contents de la revoir. Mais ça manque de Cream Ale dans ma vie, moi. Ben, je suis d'accord. Ben, on a le Cornic en ce moment, qui est un stout. Aussi, mais on est dans un spectre vraiment différent. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que bientôt, on va avoir les deux branches en même temps, donc la White Kraken autant au CO2 que Cream Ale. Donc, c'est le fun de goûter ensemble, de voir la comparaison. C'est le même produit, mais conditionné de manière différente. Donc, c'est le fun de voir ce que ça apporte. Ah non, va falloir que je revienne tous les mardis. La science de la bière, que c'est fascinant, en fait. Vraiment, en fonction du produit utilisé. Pierre-Anne Saint-Jean, merci beaucoup pour cette découverte. Moi, tu m'as ralliée avec les Cream Ale parce que ma première expérience n'avait pas été concluante. Donc, je ne suis pas allée vers ça dans le menu. Puis là, j'aime beaucoup. Alors, je me dis, mardi prochain, oui, si elle est encore là, je la reprendrai. On le souhaite. Merci, Pierre-Anne Saint-Jean. Bienvenue chez nous. Merci. Responsable des communications et marketing à la Corrigan. Dans quelques instants, on va parler du Festival de cinéma de la ville de Québec qui démarre cette semaine. Petit survol de la programmation. Et également, Edgar Fritz, réalisateur, qui sera avec nous. On va écouter d'ici là. Bah, tiens, un petit clin d'œil à Jacques Boivin, un artiste qu'il aime beaucoup. Anatole avec Aveu. Yeah! Rien, si ce n'est un désir qu'on peut éteindre. sortie culturelle se poursuit encore pour une dizaine de minutes, toujours en direct de la Korigan. Je vous le rappelle, on va conclure l'émission avec un événement qui va débuter tout juste ce jeudi 13 septembre. Et quel événement ! Il y aura l'embarras du choix encore pour se promener à Québec. Le Festival de cinéma de la ville de Québec démarre ce 13 septembre jusqu'au 22. Un tas de films à découvrir, autant avec des réalisateurs locaux qu'internationaux, de belles primeurs aussi. Pour vous en parler, je suis avec Olivier Bilodeau, directeur de la programmation du festival. Bonjour Olivier. Bonjour. Et également Edgar Fritz, réalisateur du film indépendant, un documentaire à découvrir lors du festival. Bonjour Edgar. Et bonsoir Jessica. Olivier, comment va démarrer le Festival de cinéma de la ville de Québec? On rappelle, la soirée d'ouverture, c'est toujours un moment fort. Oui, oui. Donc, comme vous avez si bien dit, ça commence ce jeudi, donc à partir de 20h. C'est très simple, la première journée, c'est notre film d'ouverture, La disparition des Lucioles, le nouveau film de Sébastien Pilote, alors qu'il sera présenté à la salle Raoul Jobin du Palais Montcalm. Donc, si vous voulez venir voir Vive l'effervescence, il reste encore des billets, premièrement, si vous voulez vous procurer des billets. Tous les détails sont sur le site Internet, www.fcvq.ca. Et si vous voulez juste venir vivre le tapis rouge, c'est à partir de 19h à la place Diouville. Donc, on occupe encore une fois cette année toute la place Diouville. Et si vous n'avez pas de billets pour le film d'ouverture, ben vous pourrez rester pour la programmation extérieure qui commence aussi ce soir-là. Donc, ça sera Once Upon a Time in the West, C'était une fois dans l'Ouest, qui jouera gratuitement sur la place Diouville. Et on annonce du très beau et très chaud temps. Alors, c'est le retour de l'été pour le festival. Exactement. Ce qui va être parfait pour le film à Edgar. Dimanche soir, on va pouvoir faire un gros party sur la place Diouville. Il annonce 27 degrés, donc ça sera génial. Oui, tu le disais, Olivier, il y aura autant des grands classiques qui vont être reprojetés parce qu'on les a peut-être vus mille et une fois, mais l'expérience de le vivre sur grand écran, c'est toujours différent, en extérieur encore plus aussi. Voilà. Et il y a des films, comme tu le disais, comme celui d'Edgar Fritz, qui n'est pas encore un classique, mais qui le deviendra sûrement pour la ville de Québec, Indépendant, qui va être présenté le 16 septembre à 17h à la place Diouville. Edgar, on aurait imaginé ce film en plein air à la fin de l'été, déjà un film consacré aux artistes de Québec. Mais, Indépendant, c'est le portrait d'artistes qui œuvrent sous le do-it-yourself. C'est l'art indépendant à Québec. J'ai dressé le portrait de quelques artistes, mais ça englobe aussi c'est la ville de Québec au complet qui est assez foisonnante au niveau de l'art indépendant. Il se passe vraiment quelque chose depuis longtemps, puis il va s'en passer encore tout le temps. Mais on présente. Il va y avoir dans le film, on parle de multi-édition, la conspiration dépressionniste. On parle du label P572 avec Sam Murdoch. On a Enfant Sauvage avec Rox Arcan qui est propriétaire au Knockout. On parle des Ghouls avec Rabin Kramash-Lobovitch, puis Kid Kuna, Lucien Francoeur aussi, et puis ça va être une soirée festive, c'est un 5 à 7, un gros happening à Carré-Diouville, où il va y avoir une prestation musicale de Jacques Bref en entrée, EDEC 24 en sortie. On présente également en primeur le clip de Blaise Velluto qui a réalisé cet hiver, je vais dire que son photo en Super 8, c'est vraiment éclaté, c'est à voir, ça a été une primeur, puis il va sortir seulement officiellement en novembre. Et puis il va y avoir Marc Lamotte qui vient de faire une allocution sur le Do It Yourself. Marc Lamotte qui est le co-directeur du festival Fantasia, festival de film à Montréal, très important. Puis c'est également DJ XL5 que Olivier a sidulé, je crois, les deux dernières années. Ouais. C'est toute une soirée à l'honneur des artistes de Québec, à l'image du film, bien sûr. Toi, Edgar, tu fais du cinéma, tu réalises des films pour faire parler de la ville de Québec. Je me trompe? Parce qu'on t'a connu comme réalisateur. On parle de ce qu'on connaît. De ce qu'on connaît. Puis, évidemment, mon premier long-métrage, c'était Limoilou, qui est un film totalement indépendant qui s'est passé dans le quartier de Limoilou avec les gens que je côtoyais là-bas, les artistes du coin aussi, les citoyens. Mais avant ça, l'année précédente, j'avais fait un court-métrage que le Festival de cinéma de la ville de Québec aussi avait... C'est la troisième fois que je viens. C'était Limoilou en 2-3-4, qui était un peu une prémiste à Limoilou. Et puis, évidemment, les gens que... Dans l'impact dépendant, on parle d'artistes qui m'influencent, qui m'ont influencé beaucoup. Puis c'est des gens qu'on côtoie ici dans la ville. Ils sont pas nécessairement des artistes à temps plein, mais leur œuvre, pour moi, est très, très importante. Mais pourquoi? Il y a l'embarras du choix à Québec pour parler d'artistes. Maintenant, on le voit, notamment à travers cette émission, en écoutant CKRL aussi. Comment t'as fait ton choix, quand même? C'est pas évident de se concentrer sur ce panel-là? Bon, au départ, ce qui m'intéressait, c'est le do-it-yourself. Comment aujourd'hui, les nouvelles technologies, ils peuvent nous amener plus facilement à créer puis à faire des autoproductions et la diffuser sans le sou, sans les subventions, sans tout l'appareillage étatique qui vient avec. Pour être plus libre un peu. Ensuite, je suis allé voir les artistes que je respectais beaucoup, puis qu'ils faisaient justement. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, pourquoi qu'ils le faisaient, comme pourquoi moi je le fais. C'est une espèce d'introspection. Puis je me suis rendu rapidement compte que c'était pas contre l'État, c'était pas contre personne, c'était simplement par urgence de création, simplement. Il y avait quelque chose à dire, puis il disait, peu importe qu'il y ait de l'argent ou pas. Et puis, au fil du temps, on découvre des artistes, on vit avec, puis voilà. Là, on en montre quelques-uns dans le film, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait parler. Là. On pourrait faire un volet 2 très facilement. Là. Absolument. Puis, ce qui est intéressant avec le film d'Edgar, c'est que lui aussi a fait une œuvre DIY, c'est-à-dire il est la seule personne au générique. Bon, je pense qu'il y a un deuxième nom, une personne qui t'a aidé en comptabilité. Oui, ben c'était la démarche artistique de faire tout seul. Il y a la productrice déléguée et comptable de production, Karine Labourgette, chez CinéSan, qui m'a aidé parce que les chiffres, c'est d'autres choses. Mais sinon, c'était dans la démarche de le faire comme les artistes le font. Donc, c'est vraiment le film DIY sur la scène DIY. Alors, ça fonctionne. Il a fait une très belle œuvre, c'est un très beau documentaire. Premièrement, ses sujets sont parfois très hilarants. Là. Je veux dire, Sam Murdoch, tu braques une caméra dessus, puis ça se fait tout seul. Hein, à peu près. Il est très loquace. Oui, ça devait être dur à couper au montage, en fait. La sélection, effectivement. Mais Olivier, j'imagine que c'est du bonbon pour toi de programmer ce genre de film qui fait parler de la création à Québec. Ben absolument. Nous, le Festival de cinéma de la Ville de Québec, hein, il y a Ville de Québec dans notre nom. Donc, c'est important pour nous de montrer les œuvres locales. Comme Edgar dit, c'est la troisième fois qu'il vient chez nous. Il fait des films dont il est une fierté locale dans le monde du cinéma ici. Il fait ses choses, il fait bien les choses. Et on est surtout content cette année de la façon dont on présente le film. Parce qu'habituellement, on est dans une salle sombre. Les artisans sont là pour répondre à des questions et tout ça. Mais quand j'ai dit à Edgar que j'étais intéressé à programmer son film, il m'a tout de suite proposé l'événement. Donc, son film qui fait 1h15 environ va être introduit, inclus dans un événement qui va durer près de 2h30. Donc, il n'y aura pas que le film. Là. On va arrêter. Son film est chapitré par artiste. Donc, on va écouter un chapitre. Il va y avoir des prestations musicales. Il va y avoir des gens qui vont venir parler. Donc, ça ne sera pas juste... C'est ça, un festival de cinéma. Quand on dit qu'il y a un plus à un festival de cinéma, que c'est pas que le film dans une salle sombre, on en a un bel événement, un bel exemple. Et c'est sur la place Diouville, ouvert à tous. On a un permis d'alcool sur place Diouville. Donc, ça va vraiment être festif, là. Il faut, si t'as pas manqué, ça vous coûtera pas un sou, là. Donc, il faut vraiment venir voir ça. Et les artistes que Edgar présente dans son film, c'est du bonbon. Et certains seront là. Et d'autres aussi. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer dimanche soir. Pour célébrer la création de Québec, on vous le rappelle, 17h ce dimanche 16 septembre, le film s'intitule « Indépendant » d'Edgar Fritz et tous les artistes à découvrir. Merci beaucoup Edgar d'être venu nous présenter le film. Merci à vous. À CKRL, Olivier Bilodeau, on vous souhaite un bon festival de cinéma de la Ville de Québec. Merci. Du 13 au 22 septembre, j'en profite pour dire que Pierre Blais sera en direct du quartier Diouville le 19 septembre de 18h30 à 19h30 pour une émission toute spéciale. Spécial, évidemment. Bien, quant à moi, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à la Korrigan. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les mardis 17h30 ici. On va faire tirer les prix de présence dans quelques instants de nos artistes invités. Je remercie toute l'équipe qui travaille avec moi à cette émission. Simon Roy à la technique, Marianne Bruno à la régie, Mikey G à la mise en onde, la Korrigan qui nous accueille. Et je vous laisse au bon soin de Gilles Chomel pour Folk d'Amérique. C'était Jessica Lève avec vous. Je vous souhaite une belle soirée. Culturelle. Sortie culturelle à la Korrigan vous a été présentée en direct du 380 rue Dorchester.